AXA, premier assureur des pros. Mon fils, il est dans les chiffres. Il les examine, il fait des analyses, il a son cabinet, comme les médecins. Soutenir son fils, pour Carole, rien de plus normal. Comprendre son métier, c'est une autre histoire. Chez AXA, on vous comprend. Nos conseillers accompagnent les pros en moyenne pendant 13 ans. AXA. Plus d'informations en agence ou sur pro.axa.fr. Étude pépite CSA 2022. Bon podcast avec AXA. Le cours de l'histoire. Xavier Mauduit. Détournée pour s'exprimer, histoire de la contre-culture queer. C'est une histoire où se croisent des corps androgynes et des corps magnifiés, des folles et des tapettes, mais aussi les sœurs de la perpétuelle indulgence, dont sœur Rita du Calvaire, de Marie-Madeleine, car elle aussi, elle a beaucoup souffert. C'est l'histoire du regard sur ceux et celles qui portent les luttes du mouvement LGBT+, et de la manière dont ont été détournés les codes les plus traditionnels d'une société normée pour briser les barreaux d'une cage. Attaché culturel, c'est distinguer ta façon de manger. Oh ! On dirait une pelleteuse. Ton doigt. Enfin, qu'est-ce qu'il fabrique en l'air, ton doigt ? Regarde un peu ton doigt. Bah oui, alors, il se redresse tout seul. Ah oui ? Oui ? Tu raconteras ça aux députés ce soir, hein ? Hein ? Mmh ? Mmh ? Commençons à le viriliser un petit peu, ce cher oncle. On essaie, hein ? Il faut que tu apprennes comment un homme doit tenir une biscotte dans la main. La biscotte doit se tenir virilement, comme ça, regarde. Et le beurre, il faut l'étaler avec la même puissance. Et le thé se boit paisiblement en surveillant son petit doigt. Allez. Et d'abord, pour commencer, on se tient droit. Non, mais enfin, qu'est-ce qu'il te prend maintenant ? Ne pleurniche pas, je t'en prie, ne pleurniche pas chaque fois que je te fais une observation. C'est pour ton bien, non ? Écoute, fais un effort. Je voudrais que tu sois présentable ce soir. Oui, bien sûr. Bon, nous reprenons à la biscotte, hein, et au beurre, d'accord ? Oui. Viril, hein ? Et oui, voilà, viril, un extrait du film La Cage aux Folles en 1978, un film d'Edouard Molinaro, évidemment d'après la pièce de Serrault et de Jean Poiret. Bonjour Damien Delisle. Bonjour. Dans cette histoire des représentations, le moment Cage aux Folles en 1978 est un concentré évident, mais cette histoire est une histoire beaucoup plus longue. Quelle était la représentation, vous avez étudié hein, le genre androgyne, art, culture, visuel et troubles de la masculinité depuis le XVIIIe siècle. Quelle était la représentation d'une personne homosexuelle au XVIIIe siècle ? Alors c'est drôle d'écouter cet extrait justement de La Cage aux Folles. Ça me fait penser à un moment donné dans le film, Galabru dit « Ah mais il y a des Grecs dans mon assiette ». Cette fameuse anecdote qui renvoie tout simplement au mythe à la fois de Platon, le mythe androgyne, l'origine des Grecs, c'est-à-dire l'histoire de la pédérastie, et donc une image et je dirais une histoire de l'homosexualité qui est plusieurs fois millénaire et qui va surtout exister en manière souterraine pendant des siècles et des siècles, jusqu'à, on va dire, éclore au moment peut-être de la modernité, de ce moment particulier où on rend visible l'invisible et où de plus en plus on va voir apparaître un personnage, comme le disait Michel Foucault, un personnage qui est l'homosexuel. Et donc à la fois un personnage qui va se retrouver dans les écrits, mais aussi dans les images, dans les représentations, et on va voir aussi comment les artistes vont s'emparer de cet idéal. Et dans l'art, il y a longue histoire de l'art, la représentation de, alors je vais dire l'homme androgyne, ce qui ne veut absolument rien dire, mais en tout cas du corps androgyne, c'est une constante. Et même dans l'art religieux, il y a des représentations, qu'il s'agisse de Saint Sébastien, pendant le martyr, quand il est transpercé de flèches, on a ici des corps qui sont androgynes. Mais il n'est pas question de sexualité dans cette lecture-là. Je parlais d'idéal, effectivement, c'est un idéal androgyne, donc qui vient du mythe de Platon, qui vient de ce mythe en quelque sorte d'union du masculin et du féminin, et c'est un mythe qui va perdurer pendant très longtemps et qui surtout va en quelque sorte être réinterprété de manière assez ponctuelle et assez précise à certaines périodes, alors soit de crise, soit des périodes troubles en quelque sorte. On pense notamment à la Renaissance où réapparaissent précisément ces différents mythes antiques. Et les artistes vont s'emparer en quelque sorte de cette image d'union du masculin et du féminin. Au XIXe siècle, justement, quand l'Antiquité va être à nouveau réinterprétée et qu'on va s'intéresser à une figure beaucoup plus gracile, beaucoup plus svelte, beaucoup plus alors androgyne, certes, mais une figure qui, en quelque sorte, fasse l'union du masculin et du féminin. Donc les artistes s'y intéressent et ils s'y intéressent surtout parce qu'il renvoie cette image renvoie à, je dirais, une sorte d'idéal de fusion du masculin et du féminin dans des traits qui, précisément, ne permettent pas de reconnaître une norme masculine ou une norme féminine. Damien Delisle, vous évoquez cette réinterprétation sans cesse du passé, l'Antiquité par la Renaissance par le 19e siècle, avec, bah, toujours en lien avec ce 16e siècle, le roi Henri III et ses mignons. Ça aussi, on est dans des constructions historiques. Peut-on dire que l'image de la folle, pour reprendre ces mots-là, telle qu'elle est présentée dans le film La cage aux folles en 1978, est une image qui existe déjà sous l'Ancien Régime? Est-ce qu'on a cette idée de la folle? Alors ça, c'est une bonne question, hein. Évidemment. Est-ce que la folle est en quelque sorte une image ou une sorte d'incarnation qui survivrait à travers les siècles, à travers les différentes périodes? Je pense que oui, mais bien entendu, il faut à chaque fois contextualiser en quelque sorte, hein, cette caractéristique principalement, alors c'est ça aussi un enjeu, d'un homme qui serait efféminé en quelque sorte. Et on va voir qu'au XXe siècle, ça va être aussi des femmes plus, comme on dit, homas, c'est-à-dire beaucoup plus masculine. La question de l'androgyne féminine, évidemment, va se poser. Mais je dirais que pour reprendre les caractéristiques du XVIe siècle avec Henri III, il est clair que à partir du moment où un homme s'apprête trop, où il s'orne, où il se pare trop, eh bien, cela paraît suspect. Cela paraît suspect parce que, précisément, l'apanage de la parure, de l'ornement, c'est un apanage des femmes. Et à partir du moment où les hommes, en quelque sorte, revêtent l'apparence, l'image des femmes, eh bien, ça paraît étrange, ça paraît suspect. Et donc, cela peut permettre aussi, alors, soit de stigmatiser, soit de critiquer, soit tout simplement, pour l'histoire de Henri III, en quelque sorte, mettre en déroute une politique à des fins justement purement stratégiques, en fait. On ne sait pas si Henri III et ses mignons, on ne sait pas ce qu'ils faisaient ensemble, hein, à l'époque, mais en tout cas, ça permettait de pouvoir discréditer la politique de Henri III. Oui, surtout que ces mignons d'Henri III, simplement, ils se lavaient, hein, donc c'était, ça n'allait pas tellement plus loin pour construire cette image-là. Mais Damien Delisle, vous l'avez évoqué, bien sûr, c'est le travail de l'historien, contextualiser. Le contexte est essentiel à partir notamment du 19e siècle, quand la femme est parée des plus belles robes et des plus beaux bijoux, quand il est de bon ton que l'homme, lui, soit le plus sobre possible. L'homme qui sort de cette sobriété tout de suite peut paraître efféminé, mais dans le contexte à placer, il y a le contexte social. L'acceptation d'un corps androgyne ou d'un corps féminisé dépend de là où on se trouve dans la société. Alors, cette question-là, notamment pour les historiens de la mode, il y a cette fameuse théorie de la grande renonciation à la parure chez les hommes, qui est une théorie qui va être développée par le psychologue Flugel, psychologue britannique, en fait, au début du XXe siècle. Il va dire qu'effectivement, au XVIIIe siècle, il va y avoir une certaine sobriété qui va se développer chez les hommes, et notamment un renoncement, une renonciation plus spécifiquement à la parure et donc à ce qui fait féminin. Et pendant tout le XIXe siècle, par effet de contraste avec l'Ancien Régime, avec l'aristocratie, eh bien, les hommes vont devoir justement s'habiller en noir, les men in black, hein, c'est-à-dire véritablement renoncer à ce qui est féminin pour pouvoir se différencier des femmes. Et donc c'est à partir de là que, très clairement, tout ce qui fait trop parure, trop féminin, trop aristocratique, va être associé, eh bien, à une forme d'amollissement, d'efféminement, de tout ce qui caractérisait l'Ancien Régime et ce contre quoi, eh bien, se bat la République, la bourgeoisie. Et donc, par effet de contraste, tout ce qui n'est pas assez viril, droit, sobre, eh bien, est efféminé, féminin. Et peu à peu, au XIXe siècle, ce glissement va se faire entre l'efféminement et, bien entendu, l'homosexualité. À la grande question de l'homme efféminé qui se retrouve encore dans la France des années 1970. Vivre sa féminité, telle est pour certains la question essentielle. Ces images pourront vous paraître choquantes. De nombreux homosexuels eux-mêmes refuseront de s'y identifier. Cage aux folles, bal des travelots. Ces images clichés ont fait assez de mal à la cause homosexuelle, dans la mesure où le grand public profite de quelques outrances spectaculaires pour condamner tout le monde en bloc. Ces images, nous n'avons pas voulu les éluder. Que signifient-elles en réalité? D'abord, une volonté de jeu, un exercice d'auto-ironie. Ensuite, un désir de provocation, puisqu'un homme, dans notre société, est interdit de féminité, la contestation du code d'honneur viril passe obligatoirement par la dérision et le persiflage. En 1979, à la télévision française sur Antenne 2, être homosexuel en France. Avec nous aujourd'hui dans le cours de l'histoire, Jean-Yves Le Tallec, bonjour. Bonjour. Vous êtes sociologue à l'Université Toulouse Jean Jaurès. L'histoire de l'association de l'homosexualité à l'homme efféminé est une construction, on l'a évoqué, une construction sociale. Et en cela, le regard porté par l'histoire permet de comprendre comment en 1979 encore, la grande question c'était, mais que faire de ces hommes efféminés ? Oui, c'est la grande question de cette construction qui est complexe, hein, qui associe des éléments de sexualité, l'homosexualité, des éléments qui relèvent du genre, de l'identité de genre, et de l'efféminement, la folie avec deux L, bien sûr. Et puis surtout, la médecine qui met son grain de sel, la psychiatrie. Et tout ceci est associé à l'idée de maladie mentale, voire de maladie somatique. Mais cette construction, elle se cristallise au cours du 19e siècle et puis elle va durer jusqu'aux années 70, 80, 90. Et c'est une idée qui est encore présente aujourd'hui dans les sociétés, y compris occidentales. Dans cette analyse que nous pouvons avoir d'une longue histoire LGBT+, juste par le mot, nous disposons d'outils que nos ancêtres n'avaient pas, et vous venez de l'évoquer, Jean-Yves Le Tallec. Le genre, c'est pas quelque chose qui était une lecture facile, et dans un monde ancien où il n'y avait pas tout le fruit de ce travail des chercheurs et des chercheuses pour comprendre la complexité de ce monde social, il fallait trouver une place dans des cases extrêmement normées. C'est ce monde-là dans lequel s'est développé les luttes homosexuelles. Ouais, on peut dire effectivement que ces outils, nos outils sont différents et sans doute plus performants pour comprendre à la fois le présent et le passé. Mais en fait, dans ces périodes, je vais me situer dans une période moderne, hein. Le genre, en fait, le terme n'existait pas, mais les rapports de genre étaient implicites, en fait. Ils étaient là. Les rapports sociaux de sexe, la domination masculine, la soumission des femmes, tout ça était là. Tout ça était dans la société. Maintenant, ce n'était pas désigné en tant que tel. Avec nos termes contemporains, mais c'était bien sur la table. L'homme efféminé, il est compris, la folle, elle est comprise comme inférieure à l'homme tout court, implicitement normal. Oui, c'est ça. Donc il y avait toujours ces rapports de hiérarchie, de pouvoir liés au genre, ils existaient. Comment vous C'est vrai qu'aujourd'hui, on peut mettre des termes plus clairs et comprendre de manière plus fine les rapports sociaux, les relations sociales du passé. Jean-Yves Le Tallec, comment définiriez-vous ce terme « folle » ? À partir de quel moment, d'ailleurs, le voit-on apparaître pour désigner quelqu'un d'homosexuel ? Ça, c'est la question piège. Pour la c'est définition. Très difficile de répondre à l'apparition du terme dans le sens dont on parle. Je me fie à Claude Courrouve, à ses travaux. C'est quelque part dans la deuxième moitié du 19e, voire plus tard, un terme qui apparaît dans un certain nombre de rapports de police. Police des mœurs, hein, qui contrôle la bonne moralité de la société. Donc ça, c'est un mot qui circule, peut-être qui circulait avant, très difficile à dire. Damien Delisle. Damien Delisle, vous auriez une piste de réflexion sur l'apparition de ce vocabulaire? Je rejoins Jean-Yves de Talleyrand, que c'est très difficile d'arriver en fait à trouver des moments particuliers, des moments historiques pour en fait retracer de l'argot, retracer du langage populaire. Et c'est là justement un des enjeux assez fascinants en fait de ces pratiques des subcultures homosexuelles, c'est que en fait ce sont des pratiques qui ne sont absolument pas écrites et qui vont l'être peu à peu précisément par les médecins qui vont progressivement pour des raisons alors sous couvert de raisons médicales, mais avant tout pour des questions en fait de suivi criminologique, eh bien tenter de désigner des choses qui se passent, des relations entre hommes, et donc évidemment le terme folle apparaît progressivement dans certains écrits. On pense notamment à Ambroise Tardieu dans les années 1850 qui va parler de folle, mais avec je ne sais combien d'autres mots argotiques, tapette, tante. Mignon, Jésus, il va y avoir toute une série de mots. Et en fait, ces mots qui sont consignés par Tardieu, ce sont des mots que lui-même a entendus lorsqu'il fait ses enquêtes, une sorte d'enquête policière médicale, si vous voulez, assez curieuse, des enquêtes qui, bah, précisément, permettent de définir et surtout d'identifier ce qui reste avant tout du registre des cultures souterraines, des cultures qui ne sont absolument pas visibles et absolument pas connues de tous et de toutes. Damien Delisle, c'est intéressant de voir comment nous passons d'une vision peut-être fantasmée et idéalisée d'un corps androgyne à l'apparition, mais ça n'efface pas l'androgynie, d'un fantasme lié cette fois-ci à la sexualité et qui passe du discours de l'histoire de l'art au discours médical. Alors c'est ça qui m'a vraiment fasciné, c'est justement ces glissements sémantiques, ces glissements entre texte et image. Ce qui est assez drôle, c'est de voir d'abord que le terme androgyne qualifie très tôt, la pédérastie, l'homosexualité, très tôt au milieu du 19e siècle, toujours dans ce contexte de désignation par justement l'enquête et sous couvert de raisons médicales et policières, donc ces enquêtes assez étranges, qui sont menées et qui sont aussi consignées dans des dictionnaires. Il y a des dictionnaires qui parlent justement de androgyne, référence à pédéraste, c'est-à-dire notamment dans le dictionnaire de Delvaux dans les années 1850, au même moment que Tardieu, on essaie de définir par ces termes. Et cela renvoie à la fois toujours au mythe androgyne platonicien, aux références socratiques, évidemment le rôle de Socrate est très important aussi, et puis progressivement ces questions vont en fait glisser vers, je l'ai dit, une manière de nommer, identifier et puis assez rapidement rendre visible. Cette visibilité de l'homosexualité, elle apparaît plus tardivement. En tout cas, c'est là que j'ai pu réussir en quelque sorte à identifier, notamment dans la culture populaire, dans la caricature, dans l'illustration de presse, non absolument pas évidemment dans les grands chefs-d'œuvre de la peinture du 19e siècle, mais plutôt justement dans ces interstices en quelque sorte de la culture populaire, les premières images infamantes, comme on dit au 19e siècle, les premières images de l'homosexualité, qui sont celles avant tout, alors d'abord d'une illustration de romans, les premiers romans populaires de Gare. Je pense notamment à un roman des années 1880 intitulé sobrement Sodome. Voilà, où on sait où on est. Sait où on est. Et puis, assez progressivement, dans les revues de l'époque, les journaux, le Courrier français, différentes images de l'homosexualité. Et quelle est cette image? C'est une image interlope entre le jour et la nuit, l'homme et la femme, l'intérieur et l'extérieur. On est vraiment dans une sorte d'image fugace qui correspond, encore une fois, à cette sous-culture, cette culture souterraine de l'homosexualité qui ne dit pas véritablement encore son nom ou qui a différents nom qu'on pourrait lui prêter. Damien Delisle, vous êtes maître de conférence à l'université Lyon 2, Lumière Lyon 2. Vous avez écrit cet ouvrage, un genre androgyne, art, culture visuelle et troubles de la masculinité, 18e, 20e siècle. Vous évoquez l'apparition de ces images dans la presse. Là, on est dans le dénigrement. Alors, c'est une forme de dénigrement, puisqu'il faut bien envisager que cette presse, cette caricature du 19e siècle est là pour avant tout faire rire l'autre, pas forcément celui qui en est la victime, on peut l'imaginer. C'est aussi une manière de pouvoir rendre compte de phénomènes nouveaux. On est vraiment dans cette économie visuelle et une économie particulière de la presse qui a besoin de vendre. On la connaît encore actuellement, on sait ce que c'est. Et donc, c'est une manière de pouvoir, en quelque sorte, mettre des mots ou des images sur des phénomènes nouveaux et notamment donc de parler, je dirais, d'une forme assez moderne, en quelque sorte, au moment même où, bah, précisément, par exemple, le Paris haussmannien est totalement bouleversé, hein, c'est-à-dire qu'on découvre, on redécouvre une nouvelle ville, une ville moderne, et donc ces phénomènes accompagnent véritablement la modernité urbaine. Donc ça, c'est vraiment la première chose. Et peut-être la deuxième chose que je trouve aussi intéressante d'ajouter, c'est que ces phénomènes vont s'intensifier avec celui des scandales. Le rôle du scandale est très important dans l'émergence d'une figure de l'homosexuel. Alors, le premier scandale qu'on peut avoir en tête, c'est le fameux scandale d'Oscar Wilde, 1895. Quand j'ai recherché dans la presse française, un écho très restreint, en fait. On est en pleine affaire Dreyfus, donc très peu d'écho de l'affaire Wilde. Rappelons que Wilde est emprisonné pour avoir justement soutenu l'autre amour, hein, comme il dit, c'est-à-dire vraiment un amour qui est celui pour un autre homme. Et en fait, il y a un écho très restreint. Le premier écho qu'on va voir, c'est au tout début du XXe siècle, 1903, ce qu'on va appeler les messes noires, ou les messes roses. Un certain Jacques d'Adelsversen, qui est un écrivain, jeune écrivain, qui en fait est pris en flagrant délit de, on va dire, organisation collective entre jeunes hommes, d'organisation de alors on pourrait directement de parties fines ou d'activités érotiques licencieuses. Et donc la presse, là pour le coup en France, va se faire l'écho, un écho très très fort de cette histoire-là. Et là on va vraiment voir apparaître le stéréotype efféminé, allongé dans le sens des lignes allongées, des lignes arrondies en arabesque du stéréotype, de l'archétype de l'homosexualité dans la presse, avec un nombre incalculable de journaux qui vont se faire l'écho de ce scandale de 1903. À ma connaissance, très peu avant. Mais très peu avant, c'est parce que nous avons ici quand même plusieurs histoires qui s'écrivent en même temps quand il s'agit de représentation au moment où Haussmann est en train de transformer Paris, au moment où Oscar Wilde est un homme qui écrit. Il y a des peintres tels Frédéric Bazille qui représentent de jeunes hommes nus. Bazille, c'est l'impressionnisme, c'est cet univers-là. C'est-à-dire qu'il y a à la fois dans l'histoire de l'art une continuité de la représentation du corps androgyne avec plusieurs lectures possibles. Et puis, par la presse notamment, qui se saisit de ces figures-là pour s'en moquer et pour jouer avec. C'est ainsi que se construit cette image, en fait, entre l'histoire de l'art, on va dire, les œuvres qui sont exposées dans les musées, et puis la presse qui s'amuse de cette histoire-là, de ces gens qui sont construits comme différents. Alors, ce qui est très difficile, c'est justement d'arriver à, en quelque sorte, déceler, identifier ces fameux amalgames, ces glissements sémantiques dont je parlais tout à l'heure. C'est-à-dire que, dans le contexte artistique, il y a cette sorte de bienséance, bien entendu, de l'image du nu masculin, qui correspond à toute une tradition importante, et qui va progressivement, chez certains artistes, faire apparaître des formes, ce qu'on va appeler d'homo-érotisme, même si le terme apparaît à la toute fin du 19e siècle. C'est quelque chose qui est très, très important chez les artistes, mais on n'est absolument pas dans une représentation de l'homosexualité ou de la folle. On est vraiment dans une forme canonique qui suit les préceptes, même si, comme vous évoquiez tout à l'heure avec Bazille, il y a une sorte de modernisation du nu vers un espace beaucoup plus à l'extérieur, en quelque sorte, le plein air, avec Bazille qui va justement dépeindre ces hommes nus le long des lacs et des fleuves. Mais progressivement, cette question-là va aussi être l'objet de caricatures, mais pas forcément sur les mêmes tonalités. C'est-à-dire que la presse caricature énormément les salons et les œuvres des artistes, mais cette question de l'amalgame entre homosexualité et idéal androgyne va n'apparaître, en tout cas c'est comme si que je l'ai repéré, que dans ce contexte beaucoup plus particulier des artistes symbolistes, mystiques, qui en fait, sous couvert d'un idéal androgyne, cachent des désordres érotiques qu'il s'agit de débusquer, qu'il s'agit en quelque sorte de rendre visible dans la presse et dans la caricature. Allez, il faut débusquer le désordre. Jean-Yves Le Tallec. Oui, je reprends sur les folles. Les folles dans cette période et ont aussi une existence. C'est-à-dire, c'est des personnes et qui s'identifie elle-même comme folle ou avec d'autres termes, mais et qui ont des relations, des réseaux, une subculture, voilà. Donc ça, c'est une première définition de la folle. C'est en fait une définition pour soi qui joue sur certaines ambiguïtés sur le genre, l'efféminement, évidemment l'homosexualité, et puis un sens spectaculaire, une théâtralité, quelque chose qui attire l'attention, le regard. Voilà. Et puis la folle de l'autre côté, effectivement, ce qui a été repris dans la presse à l'époque, etc., c'est aussi un qualificatif pour autrui, péjoratif. C'est-à-dire là, c'est l'association d'une déviance de genre, de sexualité, qui doit être combattue, qui est en dehors de la norme et qui dérange la société. Parce que la folle est visible. C'est évidemment pas le cas de beaucoup d'homosexuels à l'époque, très invisibles. Oui, la folle. Alors c'est vrai que les folles ont un. Ça ne suffit pas à définir les individus. Il y a ce que j'appelais des régimes de genre, en fait. On n'est pas folle tout le temps, tous les jours. On n'est pas folle forcément avec les mêmes personnes dans son cercle familial. On va certainement être beaucoup plus discret, voire performer la normalité. Dans le monde du travail également, on peut très difficilement laisser voir la folie, l'efféminement, voilà. Donc, il y a aussi des endroits où on peut, et des endroits où on ne peut pas, des réseaux, des groupes de pairs, des groupes d'amis, des groupes de folles, voilà. Il y a des balles, un certain nombre de balles qui étaient très connues, voilà. Ça, c'était presque des manifestations communautaire entre guillemets avant l'heure sans doute y a ce double regard, hein, le regard prescrit, c'est-à-dire le regard péjoratif des gens normaux entre guillemets, voilà, de la morale en tout cas et de la norme, et puis ce que vivent les folles. Voilà, parce que il y a effectivement l'acceptation dans un groupe très particulier, dans des bars à Montparnasse, d'être folle et homme efféminé. Et puis après, il y a ce regard, mais celui que vous avez évoqué, Damien Delisle, dans la presse par la caricature et que l'on retrouve aussi dans la chanson populaire. Moi je connais trois petits jeunes gens qui sont ma foi tout plein charmant. Tous les trois sont beaux, beaux, beaux, beaux. C'est Patata, Titi Toto, Titi Toto et Patata font des petites manières et marchent toujours comme ça. Ils poussent des ou, ils font des oh, des chichis, des esbroufs et des tas de fla-fla. Il faut les voir sur le boulevard sortir gentiment en faisant des petits pas. Titi Toto et Patata, Tata Titi Toto, Toto Titi, c'est toi. Ils se quittent jamais, ça se pourrait pas. Ils sont jaloux, je ne vous dis que ça. Où y a Titi, c'est rigolo. Et y a Patata, et puis Toto. Et Titi, Toto, et Patata. Et Troulaïti, oulou, Troulaïti, oula. Et voyez par-ci, et voyez par-là. Admirez tout ceci, oui, mais n'y touchez pas. Et qu'ils sont gentils, et qu'ils sont mimi. Ils ne sont ni hommes ni femmes, et pas même auvergnat. Et Titi, Toto, et Patata. Et Tata, Titi, Toto, Toto, Titi, c'est toi. Ils ont les yeux doux et rêveurs, les cheveux frisés comme ceux de ma sœur, l'air vertueux d'une douairière, et le nez en l'air comme mon petit frère. Titi Toto et Patata, cacahuète, bigoudi, banane et chocolat. Dans les dancing, venez donc voir ça, ça foxtrot et chimite en faisant remuer tout ça. Au son du jazz band plein d'entrain, ils font des petites glissades en se tenant par la main. Titi Toto et Patata, tata Titi Toto, Toto Titi, c'est toi. Quand vient l'été, il ils vont radieux pour se baigner dans les flots bleus. Que voulez-vous, ils adorent la mer et surtout les petites roues pas chères. Titi toto et patata, dans la mer tous les jours vont prendre leurs ébats. Et quand ils plongent, ils vont si bas que l'on croirait parfois qu'ils n'en sortiront pas. Ils vivent tout seuls pendant l'été, en voilà qui savent prendre la vie du bon côté. Titi toto et patata, tata titi toto, toto titi tatoa. Voilà, une chanson de Gaston Ouvrard qui n'a pas toujours la rate qui se dilate. C'est en 1923, là c'est un enregistrement de 1935 dans le cours de l'histoire sur France Culture, une émission réalisée par Alexandre Manzanares avec aujourd'hui à la technique Florent Bugeon. Dites-nous Damien Delisle, quand on entend une chanson comme ça, nous sommes hein, dans la caricature où il y a absolument tout, ni homme, ni femme, il y a la coiffure, il ressemble à ma sœur, en vacances ils vont dans des petits trous, etc. On comprend toutes les allusions, se construit un paysage ici, fait comme des clins d'œil que l'on adresse à ses contemporains, on se comprend, où le vêtement a une part très importante. Peu à peu, ça se met en place, mais ça, de manière plus générale, dans la société, où le vêtement signe les genres. Alors, effectivement, juste peut-être une petite parenthèse. On parlait de l'apparence, on parlait de l'image. Moi, je voulais vous parler du cri de la folle, c'est-à-dire le son. Quel est le bruit de la folle qui pourrait être toute une histoire encore à écrire. Et on le voit d'ailleurs dans cet extrait, dans l'extrait précédent aussi, toujours le cri, le fond de cri strident, de cri féminin qui évoque précisément quelque chose qui peut susciter alors l'angoisse ou l'énervement ou d'autres effets. Mais pour en revenir à cette question de la vêture, du vêtement, de l'apparence de l'homosexualité, c'est quelque chose qui est assez présent, je dirais, alors dès le 19e siècle, puisqu'on en parle très clairement, à travers ce que j'appelle les signes cachés, les signes cryptés, en quelque sorte, de l'homosexualité. Il y a différents signes assez connus, on parle de l'œillet vert pour, en quelque sorte, désigner le signe de ralliement des esthètes autour d'Oscar Wilde en Angleterre, mais aussi en France. Peu à peu, cet œillet vert est adopté. Il y a progressivement d'autres signes, la couleur mauve, qui devient véritablement le signe de ralliement. C'est un terme qui va, un terme, ou du moins une couleur, mais qui va devenir un véritable terme de ralliement, le mauve, the mauve language, en quelque sorte, the lavender language, en Angleterre et en France. Donc il y a un certain nombre de couleurs, de signes cryptés qui correspondent véritablement à des ralliements ou du moins des manières de pouvoir se reconnaître entre homosexuels, de pouvoir s'affirmer, s'afficher uniquement par celles et ceux qui connaissent ces codes et ces signes et ces langages. Donc il y a un véritable, encore une fois, langage souterrain qui se met en place dès le 19e siècle et qui va se poursuivre en fait tout au long du 20e siècle. Avec plus ou moins de visibilité, il est clair que par exemple la silhouette garçonne des années 30, 20 et 30, va correspondre à une masculinisation de la femme, mais qui correspond aussi, je dirais, à un effet du temps. Hein, c'est-à-dire toutes les femmes se masculinisent globalement dans leur silhouette dans cette période de l'entre-deux-guerres. Mais très clairement, tous ces signes vont se poursuivre, en fait, et vont correspondre véritablement à un langage crypté, jusqu'à, dans les années 60, d'ailleurs, devenir un langage crypté de la sexualité. C'est-à-dire, si l'on porte son bandana à gauche ou à droite, dès telle ou telle couleur, on est actif ou passif sexuellement lorsque l'on est justement dans un rapport sexuel entre hommes. Voilà, il y a un nombre incalculable en quelque sorte d'histoires comme ça, de signes cryptés qui correspondent à un langage très, très, très marqué et toujours un langage populaire qui n'est absolument pas un langage établi, pas par l'Académie française, ça c'est sûr, mais un langage qui est véritablement assez fascinant à découvrir et évidemment surtout très important à vivre lorsqu'on est concerné, lorsqu'on vit cette homosexualité, surtout dans un contexte de répression. Hein. C'est pour ça que les langages sont cryptés. Mais oui, parce que dès qu'il y a répression, bah c'est la naissance de l'argot. Hein. Dans les bas-fonds, on utilise des mots que les autres ne peuvent pas comprendre, qui créent un code, et c'est ce système de reconnaissance. Jean-Yves Le Talec, cette histoire d'une contre-culture queer, c'est l'histoire de mise en place de codes qui deviennent communs, et c'est intéressant de voir comment, peu à peu, ils deviennent même internationaux. Ouais, c'est ce qu'on peut comprendre par le terme de camp, en fait, qui est un mot très difficile à utiliser, à traduire en français, mais qui représente bien cette subculture. En fait, elle inclut toutes ces codes cachés ou connus des initiés seulement, donc des détails, des accessoires, des pièces de vêtements, des mots. Il y a des tas de mots-clés qui permettent d'être reconnus par ses pairs et de passer tout à fait inaperçus des personnes non initiées. Donc le camp permet tout ça. Donc c'est à la fois un langage d'initié entre pairs et un langage qui permet de passer dans la société sans trop de risques. Mais le camp, en fait, c'est plus que ça. C'est pour moi, c'est un lien social, en fait. Et globalement, c'est ce que Esther Newton, qui l'a, je pense, le mieux décrit, disait qu'il y avait trois composantes dans cette subculture, dans cette culture, quelque chose d'incongru. Et d'incongru sur le genre, sur la sexualité, sur l'apparence, le comportement. Quelque chose de théâtral dans le camp. C'est-à-dire, il y a une dimension de spectacle, spectaculaire. Et l'humour. Parce que l'humour, ça permet de contourner, survivre à l'oppression, à la répression. De contourner les obstacles. On peut rire de soi, on peut faire rire des autres, et on peut amener tout un public à rire de quelque chose qui est opprimé. Donc c'est toute cette complexité du camp qui recouvre ça. Dans ces histoires de codes, de couleurs, d'objets, etc., c'est ce que Chauncey appelle le double entendre, le sous-entendu, qui est réutilisé sans arrêt dans la culture populaire, dans les films, dans les livres, au théâtre. Ça a été beaucoup réutilisé, c'est-à-dire faire comprendre sans dire. Et on l'a entendu dans la chanson d'Ouvrard, hein, et dans bien d'autres chansons, films, etc. Tout ça repose sur le camp. Le camp, C-A-M-P. Je le dis parce que il y a ici, quand on dit camp tout de suite, l'évocation d'un monde anglo-saxon avec Jean-Yves Le Tallec. L'idée que, et moi j'ai l'impression en vous écoutant, de retourner les codes. C'est-à-dire que cette caricature qui se met en place dès la fin du 19e siècle, encore plus au début du 20e siècle, dans un contexte de répression, est récupérée en fait par ceux qui sont les premières victimes. Est-ce qu'on peut dire ça? On peut le dire dans une certaine mesure, mais il faut vraiment toujours se remettre dans le contexte. J'ai cité Esther Newton, qui a fait un remarquable travail sur les travestis du spectacle. C'est un travail qui est dans les années 60 aux États-Unis, où la société est très répressive. Donc il faut toujours remettre les observations ou les situations dans leur contexte. Et le contexte évolue vite, en fait, dans la deuxième moitié du XXe siècle. Mais il est certain que des années 20 aux années 50, le camp a été à la fois une subculture, vraiment, un langage et une relation, un mode de relation entre pairs, et aussi un élément culturel de la culture populaire, de la culture du spectacle. Mais au cinéma, par exemple, le camp a été beaucoup utilisé, en particulier pendant la période du code Hays, du code qui interdisait beaucoup de choses, de montrer beaucoup de choses au cinéma, mais parce qu'il y avait beaucoup d'homosexuels dans l'industrie du cinéma. Ils savaient parfaitement manipuler, utiliser à bon escient le camp qui était, qui les concernait directement. Vous avez des exemples? Et donc ils ont resitué cette culture dans des productions culturelles pour le grand public. Dans cette histoire-là, la nécessité de contextualiser nous permet de mieux comprendre l'évolution de cette répression en 1971 sur la radio RTL. Mini Grégoire propose une émission intitulée « L'homosexualité, ce douloureux problème ». et elle interroge un prêtre, le père Guéchat. Au fond, qu'est-ce que font les prêtres devant un homosexuel? Qu'est-ce que vous faites quand on vient vous trouver en vous disant « je suis homosexuel », qu'est-ce que vous leur dites? Est-ce que vous les rassurez aussi? Vous voulez répondre? Je suis un petit peu gêné pour répondre à cette question. Comme prêtre, je fais partie d'une église et j'essaie d'être fidèle à un Dieu qui a donné un certain modèle de vie qui n'est pas imposé, mais pour être de la maison, il faut tout de même marcher dans le sens de ce modèle de vie. Après cela, il y a le fait concret. Je rejoins tout ce qui a été dit quand on a parlé de la souffrance de certaines situations. Alors là aussi, moi j'accueille beaucoup d'homosexuels, mes confrères également, qui viennent parler de leur souffrance. À cette souffrance-là, on ne peut pas être insensible. Ne parlez plus de votre souffrance. Oui, écoutez, alors là, je dis qu'il y a une chose tout à fait extraordinaire qui se passe, puisque la poule a envahi la tribune et que des homosexuels... Liberté ! Liberté ! Des homosexuels de tout ordre, hommes et femmes... Nous demandons la liberté pour nous. Eh oui, Ménie Grégoire, interrompu par des homosexuels de tout ordre, dit-elle. Nous étions en 1971. Alors, le curé fait son boulot de curé, ça c'est tout à fait normal. Enfin, il dit ce qu'il a à dire et ça, c'est pas l'idée de le faire changer. Ce qui est intéressant dans cette histoire-là, Jean-Yves Le Talec, c'est qu'en 1971, il y a l'interruption d'une émission de radio, alors très très très très écoutée, pour porter une revendication. Oui, oui, oui, c'est un moment clé, hein. C'est un moment clé, et c'est le mot souffrance, hein, qui déclenche. C'est-à-dire que jusque-là, l'homosexualité est associée nécessairement à une souffrance personnelle, psychique, sociale, n'importe. Et en fait, ces militants et ces militantes en ont marre. Ils ont pas envie de souffrir, ils ont envie de vivre. Voilà. Et donc, c'est le déclenchement en France. Du mouvement homosexuel, en fait, qui va se structurer, pas tant que ça, mais qui va exister à partir de 71. Oui, c'est le front homosexuel d'Action Révolutionnaire, le phare, ouais. Avec les gasolines, qui sont-elles? Ah, les gasolines, c'est une partie du phare, en fait. Le phare est un groupe peu structuré, en fait, finalement, qui dure peu de temps, quelques années, qui se réunit toutes les semaines au début aux Beaux-Arts. Et il y a une partie de... Alors, il y a des hommes, des femmes, des trans, voilà. Et il y a une partie de gasoline qui sont en fait des folles, très situationnistes, et qui réagissent d'une manière... qui n'est pas celle souhaitée par les militants de gauche et d'extrême gauche, les militants gays de l'époque, qui n'est pas non plus forcément très appréciée des lesbiennes, qui voient peut-être une caricature des femmes, ou en tout cas quelque chose qui ne leur convient pas. Et les gasolines sont assez autonomes, indépendantes, et elles font des apparitions, elles font des espèces de happening dans des manifestations ou dans la rue et pendant les réunions du phare. Voilà, elles sont elles portent un regard très critique, en fait, à la fois sur les hommes gays, sur ce qui se passe dans ces réunions, et il y a cette dimension spectaculaire, théâtrale, beaucoup d'humour. Alors c'est pareil, il y a très très peu de documents sur les gasolines, parce que c'était non écrit, du happening situationniste, et qu'il y a peu de photos. Moi, j'ai fait beaucoup de recherches. Finalement, on retrouve pas beaucoup d'éléments. Hein. Ça rejoint la problématique des subcultures, hein, populaires ou cachées ou. Enfin, voilà, on a du mal finalement à aller très très loin dans cette direction des gasolines et savoir vraiment s'il y avait une autre dimension politique. Alors, il y a quelques mémoires, quelques bouquins, quelques biographies qui existent de personnes qui ont été gasolines ou qui ont traversé ce groupe. Mais en fait, on a peu d'éléments. C'était les folles du phare, c'est sûr. Les folles radicales du phare, c'était elles. Les folles radicales du phare. Damien Delisle, dans cette histoire du vêtement où nous voyons peu à peu les genres se colorer avec du bleu pour les petits garçons et du rose pour les petites filles dans ces années 1970 avec ces mouvements, mais alors là qui vont pousser l'appropriation de codes de la société à l'extrême, bah c'est plus du rose, hein, c'est du sur-rose et du sur-flashy. Il y a ici un moment particulier où on s'approprie les codes, en fait, pour créer, non pas juste une caricature de l'autre, mais là, une nouvelle culture. Et c'est en ça vraiment que c'est intéressant, ce moment des années 60-70. C'est la création d'une culture. Oui, effectivement. Alors, ce qui est intéressant, c'est si on reprend l'exemple des gasolines, qui sont pour le coup vraiment, qui arborent une véritable esthétique camp, hein, au-delà de ce que l'on peut imaginer, on peut reprendre l'autre, je dirais, définition qu'avait évoquée, on ne peut pas ne pas en parler aujourd'hui, l'autre définition qu'évoquait Susan Sontag, en fait, hein, celle qui vraiment a écrit un des premiers, en quelque sorte, manifeste camp en 1964, sur le style camp, c'est-à-dire une exagération, une outrance, qui va passer précisément par une forme de théâtralité. On parlait tout à l'heure d'happening, de performance chez les gasolines. On retrouve dans cet esprit, dans cette sensibilité camp dont parle Susan Sontag, qui est une journaliste américaine très importante à l'époque, hein, qui va véritablement lancer sa carrière avec cet écrit. On retrouve véritablement cette forme d'exagération, d'exubérance théâtralisée, mais qui ne se concentre que sur l'esthétique. La différence des gasolines, c'est qu'il y a une portée politique très forte. D'ailleurs, ça sera un des grands paradoxes, hein, en quelque sorte, du camp, c'est-à-dire qu'on considère le camp que portant uniquement, principalement sur l'esthétique, dépourvu de tout message politique, et ça va faire justement débat, hein, c'est-à-dire comment intégrer cette sorte de forme de folitude au sein même de débats politiques, de demandes d'avancée des droits sociaux, dans un contexte qui est encore une fois très répressif. Donc effectivement, dans ce contexte-là, l'exagération et surtout l'appropriation des codes va devenir un véritable moteur de cette forme de subversion camp. Et très clairement, le fait de pouvoir s'approprier ces codes de la théâtralité, de l'artifice, hein, elle en parle beaucoup, Susan Sontag, dans différentes productions cinématographiques, artistiques, va passer précisément par ces codes ultra crypté mais aussi ultra codé, du rose, de l'ultra rose. On pense à notamment beaucoup de productions. J'ai en tête en particulier un film qui est passé totalement inaperçu, on parlait du rose, un film qui s'appelle Pic Narcissus, un certain James Bingood qui va justement créer un univers profondément homoérotique à partir d'un univers d'exagération, d'outrance, mais surtout donc d'éléments théâtraux totalement en papier mâché, où tout n'est que rose, glitter, avec une image surcodée qui est celle, donc cette production Pic Narcissus des années 70, de réappropriation d'un monde camp au bénéfice d'une vision, on va dire, d'homoérotisme et très clairement de montrer qu'on peut se faire plaisir dans un contexte de cinéma. Dans un contexte de répression. Parce que c'est ça aussi qui est très important de le souligner. Alors cette répression policière au quotidien quand les policiers vont interrompre une soirée dans un bar, et un contexte de répression de manière beaucoup plus vaste partout dans la société, fait de moquerie, Jean-Yves Le Tallec. Dès les années 1980, en tout cas dans le cas de la France, mais c'est un peu partout pareil, la répression officielle, on va dire, a tendance à être légèrement écartée. Elle demeure toujours, on le sait bien. L'idée même d'être dans une culture d'opposition par la posture, par le camp, va prendre une tournure nouvelle à partir de l'épidémie du sida. C'est en cela vraiment qu'on voit comment cette culture-là est là, présente et vivace, parce qu'elle arrive directement en réponse aux non-réponses des pouvoirs publics. Oui, ça c'est très clair dans le registre de la lutte contre le sida. Le camp a une place importante. Pour moi, les folles sont politiques. Hein. J'ai un peu beaucoup de mal avec le texte de Sontag. Au contraire, hein, pour moi, les folles et le camp, ça toujours une dimension politique, même si elle n'est pas évidente au premier regard. Et dans le contexte du sida, il y a deux exemples. Il y a ACT UP. ACT UP a su, au travers de ses apparitions, du vêtement, des couleurs, du noir, du rose, du noir et du rose, a su imprimer une image. Mais il y avait à l'intérieur d'ACT UP, pour les militants d'ACT UP, une très grande dimension camp. Parce que l'humour permettait de surmonter l'horreur du début de la crise du sida, du début de l'épidémie. Et je me souviens à Paris, d'un petit canard qui était interne, il n'était pas diffusé à l'extérieur, qui s'appelait Mixion, et qui était un sommet de camp. Vraiment de dérision, d'humour sur la maladie, sur des personnes qui, étant séropositives à l'époque, avaient comme perspective, il n'y avait pas de trithérapie à l'époque, avaient comme perspective la mort. Et il y avait un humour extraordinaire. Je me souviens aussi d'une Gay Pride, je crois que c'était d'une Pride en 92 ou en 94, 92 je pense, où ACT UP et qui d'habitude défilait toujours en noir avec des grands camions, des slogans, etc. Et cette année-là, ils ont fait les Pom-Pom Girls. Et donc tout un groupe de militants d'ACT UP, gays et pas seulement gays, qui étaient donc en noir et rose, mais rose c'était un tutu, voilà. Et ils faisaient les folles, voilà. Mais c'était un moyen de surmonter toute cette période très très difficile et une lutte très difficile également à l'époque. C'est dans ce contexte-là, d'ailleurs, Jean-Yves Le Tallec, qu'apparaissent les sœurs de la perpétuelle indulgence. Alors, aux États-Unis, à San Francisco, mais après, elles envahissent le monde pour le bonheur de tous. Alors, les sœurs apparaissent à San Francisco en 79, avant le début officiel de l'épidémie, même si on sait aujourd'hui qu'il y avait déjà des cas de sida à la toute fin des années 70. Mais les sœurs, elles apparaissent pour en contre-pied à la culture mainstream gay de la côte ouest, c'est-à-dire le style clone et le dérivé SM queer. Voilà. Et en fait, c'est des militants, ils en ont marre, en fait, d'être toujours dans cette apparence très très codifiée, en fait. Et décident un jour de sortir en robe de bonne sœur, qu'ils avaient sous la main parce qu'ils avaient fait un spectacle. Enfin bon, bref. Et en apparaissant sur Castro, à San Francisco, puis sur une plage aussi, ils se rendent compte de l'effet extraordinaire que peuvent avoir des hommes habillés en nonnes. Et à l'époque, ils sont pas maquillés. Ça tient plus au genderfuck parce que beaucoup ont une moustache, ont des attributs masculins, moustache, barbe, et une robe de sœur et un voile. Voilà, un voile blanc. Ah, c'est sûr qu'à partir de là, on n'est plus invisibilisé. Damien Delisle, alors les sœurs de la perpétuelle indulgence qui peuvent nous conduire jusqu'aux drag queens qui sont du camp magique avec l'appropriation, en fait, cette fois-ci à l'inverse, par les codes de la société de cette culture camp. On voit un va-et-vient, la culture camp qui se construit à l'opposé de la société et la société qui reprend ces codes-là. Et aujourd'hui, on va dire que nous avons tous ces codes camp que l'on comprend, qui ont réussi à s'imposer tous les jours, et qu'a cité David Bowie et tant d'autres. Je pense qu'on est, certes, beaucoup de personnes sont camp sans le savoir, probablement, ça c'est sûr. Mais ce qui est certain, c'est que le camp devient à la fois donc une forme diffuse d'esthétique qui se retrouve dans la mode, qui se retrouve dans la musique. Vous citiez tout à l'instant David Bowie, effectivement les grandes figures musicales dans le contexte des années 70 s'introduisent totalement dans cet imaginaire androgyne, c'est-à-dire même de dépassement des genres, puisque David Bowie dans son personnage de Ziggy Stardust était justement une personne venant de Mars, donc on n'était même pas masculin, même pas féminin, on était extraterrestre en quelque sorte. Il y avait précisément ce jeu de l'exagération par le maquillage, par l'apparence, par le vêtement, par eh bien différents éléments qui vraiment marquaient, je dirais, une appartenance à une à un effet hors norme, et qui après se retrouve et qui continue de se retrouver très ponctuellement dans ces industries musicales et cinématographiques, mais surtout musicales, jusqu'à d'ailleurs un exemple peut-être intéressant que l'on peut évoquer, 2019, le Met Gala, qui utilisait précisément le terme de camp, en fait. Le Metropolitan Museum of Art de New York proposait comme thématique camp, avec une exagération totale dans l'apparence, dans l'accoutrement, avec quelques, évidemment, distorsions au terme même de camp qu'on pourrait, évidemment, dont on pourrait reparler. Voilà, bah, au moment de choisir son camp, nous, on a choisi, merci vivement à vous deux, hein, Jean-Yves Le Tallec, et à vous, Damien Delisle, je rappelle, un genre androgyne, art, culture visuelle et troubles de la masculinité. Merci beaucoup à vous deux. On poursuit nos réflexions historiques avec Gérard Noiriel, le pourquoi du comment. Pourquoi le gouvernement de Vichy a-t-il déboulonné les statues de nos grands hommes ? Au cours de la période récente, l'actualité historique a été alimentée par une polémique qui a opposé ceux qui estiment légitime qu'on déboulonne les statues des héros de l'histoire coloniale et ceux qui dénoncent ces actions comme des formes de vandalisme. Il s'agit là d'une question mémorielle qui n'a rien de nouveau. Elle s'est posée notamment pendant l'occupation, puisqu'entre 1940 et 1945, rien qu'à Paris, 144 statues ont été détruites. Ceux qui dénoncent le déboulonnage des statues verront dans ce précédent historique la preuve qu'il s'agit bien là d'une agression contre les valeurs de la République, puisque le régime impulsé par le maréchal Pétain et ses sbires s'inscrivait explicitement en rupture avec la démocratie républicaine. Pourtant, la réalité est plus complexe, car la principale raison qui a incité les autorités pétainistes à détruire ces statues ne s'explique pas par des considérations d'ordre idéologique, mais par des nécessités matérielles. C'est la pénurie extrême des métaux non ferreux qui a motivé la politique de fonte des statues sous l'occupation. Ces métaux jouaient en effet un rôle de premier plan dans la production industrielle et l'économie de guerre. Avant 1939, la France importait la majeure partie de ses matériaux, mais la guerre a complètement bloqué ses échanges. Les Allemands ont alors fait pression sur les autorités françaises pour qu'elles leur fournissent ces précieux métaux par tous les moyens, y compris en fondant des statues. Le fait que ce déboulonnage ait été principalement motivé par des raisons économiques n'empêche pas que le choix des statues qui devait en faire les frais a été justifié par des arguments politiques. Albert Bonnard, qui fut ministre de l'Éducation nationale de 1942 à 1944, s'engagea dans un effort de redéfinition de la notion de grands hommes visant à éliminer les fausses gloires républicaines. C'est ainsi que le monument de Gambetta, qui trônait devant le Louvre, ou celui du socialiste Louis Blanc, place Monge, furent détruits. Les statues des philosophes des Lumières, comme Voltaire et Rousseau, celles de quelques grands acteurs de la Révolution française, comme Marat, ou de militantes féministes, comme Maria de Rheim, connurent le même sort. Néanmoins, ces destructions ne furent pas systématiques, car elles se heurtèrent à de nombreuses protestations. La perte des monuments publics fut comparée aux mutilations et destructions qu'avait subies le patrimoine artistique français pendant les guerres de religion et pendant la Révolution française. La fonte des statues apparaissant intolérable aux yeux des patriotes, la résistance s'empara du sujet pour dénoncer la collaboration. Pas un homme, pas un gramme de métal, pas un centime aux traîtres de Vichy et aux Boches. Les pressions multiples qui s'exercèrent sur le gouvernement de Vichy expliquent que ce déboulonnage des gloires de la République ne fut pas systématique. loin de défendre une politique de la table rase, niant les régimes précédents, Bonnard dut affirmer publiquement qu'il tenait à préserver notre patrimoine national pour inscrire son action dans la continuité de l'histoire de France. Merci beaucoup Gérard Noiriel. C'était le cours de l'histoire sur France Culture, une émission préparée par Jeanne Delecroix, Toscane Vudet, Jeanne Copagi, Anne Tilly et Mayou Nguizou. Merci à France Bleu Occitanie et à l'Institut National de l'Audiovisuel. Le cours de l'histoire, écoutez à podcaster sur franceculture.fr et l'appli Radio France.